France Inter. Le 13-14. Alors, il faut vous dévoiler un peu les coulisses de ce 13-14. Les enfants ont le père Castor. Nous avons Jean Lebrun, l'homme qui connaît toujours le détail supplémentaire pour raconter une bonne histoire. C'est ainsi qu'en écoutant ce très beau feuilleton de Cécile Bidot sur les jardins familiaux, jardins partagés cette semaine, Tonton Jean s'est exclamé « Mais comment vous ne parlez pas de l'abbé Lemire, ancien député du Nord, propagateur des jardins familiaux ?» Qu'à cela ne tienne, Père Castor, raconte-nous une histoire, l'abbé Lemire. Ben, c'est pas un détail, c'est la pierre fondatrice. Vous vous imaginez un homme grand, assez beau, fait pour parler, pour convaincre. Il vous décrochait une porte cochère de d'une façade, il la posait sur les tréteaux, il entreprenait la foule sur les marchés. Il était arrivé simple vicaire à Hasbrouck en 1878 et il n'a quitté cette ville de Flandre française que quand il y est mort en 1928. Il en avait été le député pendant un tiers de siècle, le maire pendant 15 ans, et cela par la force de sa conviction personnelle, car il ne voulait être membre d'aucun parti et surtout pas d'un parti catholique, parce que pour lui, le christianisme se disséminait, il était naturellement démocratique. Les jardins familiaux étaient une œuvre démocratique. Il n'en a pas été l'inventeur, l'Allemagne était pionnière, et puis une dame à Sedan, fabricante de textiles, Félicie Hervieux, lui a passé le flambeau. Le square parisien Abbé Lemire, près de Montparnasse, est traversé par une allée Félicie Hervieux, laquelle donc a passé la présidence en 1896, et c'est ainsi qu'a été créée la Ligue du coin de terre et du foyer à Hasbrouck. À la Chambre, Lemire défendait pour les plus pauvres le principe d'une petite propriété avec un lopin de terre insaisissable. Et le jardin familial, c'était une expérimentation de cette idée. Aux familles ouvrières coincées dans les logements urbains malsains, il offrait un bol d'air, des ressources complémentaires. Et toute sa vie, il est allé visiter les terrains qui pouvaient s'offrir pour les jardins familiaux en même temps qu'il donnait des conférences pour multiplier les adhérents. Pas d'abbé Lemire, disait-il, sans train Lemire, pour le dépêcher aux quatre coins du pays. Et c'était une personnalité d'envergure nationale, grâce aussi à son activité tous azimuts. Quand la Troisième République s'est décidée enfin à donner aux prolétaires un peu de la dignité qu'implique leur citoyenneté, il s'est associé aux Républicains avancé et aux socialistes. Jaurès, que vous citiez tout à l'heure, sur tous les fronts du droit du travail. Diminution de la journée ouvrée 11 heures, repos hebdomadaire, limitation du travail de nuit des femmes et des enfants dans les usines à feu continu, et jamais son électorat populaire du Nord ne lui a manqué. À l'époque, il pouvait y avoir des prêtres à l'Assemblée qui siégeaient en soutane, mais la hiérarchie catholique ne les acceptait que parce qu'ils pouvaient servir ses intérêts. Oui, mais Lemire entendait son mandat autrement. Et quand la querelle de la séparation a éclaté, l'abbé n'a soutenu que modérément sa hiérarchie. Au fond, il trouvait que la séparation, c'était plutôt une bonne chose. Il en contestait seulement la préparation. Et quand la loi, finalement équilibrée, fut votée, il aurait voulu qu'elle fût appliquée. C'était pas le point de vue du pape au Vatican, ni celui du clergé intransigeant qui se voyait dépossédé de ses moyens traditionnels d'existence. Et Lemire fut crossé, traité de défroqué moral, déclaré suspens. Il ne pouvait plus célébrer la messe. Le curé d'Hasbrouck lui refusait obstinément la communion. Mais l'Assemblée, qu'il appréciait particulièrement, répondit en l'élisant en 1913 vice-président, et en 1914, la population du Nord renouvela son mandat de député, le portant même à la mairie d'Hasbrouck. Alors on imagine la tête que fit le curé. La Grande Guerre opéra une réconciliation. Il était fondamentalement homme de réconciliation. Hasbrouck reçut quantité de soldats britanniques et australiens, jusqu'à des travailleurs chinois. Les Allemands la bombardèrent, il fallut un moment l'évacuer. Le curé et l'évêque devaient bien composer avec le maire, dont l'attitude fut remarquable. Le nouveau pape Benoît XV leva la sanction ecclésiastique et la fin du parcours de Lemire fut plus tranquille. Il en a profité pour devenir plus autoritaire. Il était en campagne pour son 9e mandat quand il mourut. Sa maison est devenue un modeste musée et sur la façade, un lion veille sur un lièvre. Hasbrouck, en flamand, c'est le marais du lièvre. As, le sens est clair. Le fort doit protéger le faible. Alors le bon, l'abbé Lemire est oublié maintenant, malgré la grande thèse que lui a consacrée autrefois Jean-Marie Mayer, mais Hasbrouck est habitué à l'oubli. Céline, dans son roman inédit qui vient de paraître, nomme la ville perdue sur la Lys. Et de quelqu'un qui était limogé, envoyé en exil, on disait parfois qu'il était Hasbrouqué. Tout de même, Bruno, vive Hasbrouck, foyer des jardins familiaux et qui entend le rester. Voilà cette histoire racontée. Intelligent service demain, Jean. Eh bien, demain, nous parlons de Pier Paolo Pasolini qui a beaucoup figuré à Cannes. France Inter.